On a tous un rêve, plus ou moins commun, comme un espoir de vivre. On a tous des lèvres qu'on veut pour rien et pour rien. Je perdrai espoir, je continue de rêver et de garder espoir. Rien n'est impossible, suffit juste d'y croire, de croire à son rêve, de croire en soi-même, de croire en son talent. T'as le temps, donc pas de problème. Travailler jusqu'à en suer, peu importe, tu finis à pas essuyer. Avec la cervelle du bonheur, choisis jusqu'à la bonne heure. Travailler jusqu'à en suer, peu importe, tu finis à pas essuyer. Avec la cervelle du bonheur, choisis jusqu'à la bonne heure. Sous un soleil beau, je suis dans mon lit, pleurant des torrents de larmes. Sous un sommeil de trop, je suis dans mon lit, mourant du vivant de mon âme. Tristesse me noie dans les rêves, et dès que je me lève, mes rêves que je croyais vrais deviennent faux. Et dès le matin, chagrin, j'y croyais en bref. Je continue en attendant ce jour tant attendu. Travailler jusqu'à en suer, peu importe, tu finis à pas essuyer. Avec la cervelle du bonheur, choisis jusqu'à la bonne heure. Travailler jusqu'à en suer, peu importe, tu finis à pas essuyer. Avec la cervelle du bonheur, choisis jusqu'à la bonne heure. Réalise tes rêves en gardant espoir. Embrasse les lèvres de ton histoire le soir. N'aie pas peur de te faire huer, n'aie pas peur de suer. Il veut juste te faire muer pour que tu puisses puer. J'y crois encore à mes rêves, j'y crois encore à mes rêves. Rien n'est perdu, bouge ton cul avant que le temps ne t'achève. J'y crois encore à mes rêves, j'y crois encore à mes rêves. Rien n'est perdu, bouge ton cul avant que le temps ne t'achève. Travailler jusqu'à en suer, peu importe, tu finiras pas essuyer. Avec la cervelle du bonheur, choisis jusqu'à la bonne heure. Travailler jusqu'à en suer, peu importe, tu finiras pas essuyer. Avec la cervelle du bonheur, choisis jusqu'à la bonne heure. Travailler jusqu'à en suer, peu importe, tu finiras pas essuyer. Avec la cervelle du bonheur, choisis jusqu'à la bonne heure. Travailler jusqu'à en suer, peu importe, tu finiras pas essuyer. Avec la cervelle du bonheur, choisis jusqu'à la bonne heure. Finally.